Il était une fois dans un monde où nous tous sommes nés, là où l'amour et le bonheur ne nous tombent pas sous le nez. Un petit garçon de seulement 8 ans qui s'appelait Nathan, enfant unique de parents riches, une belle vie franchement. Il avait tout ce qu'il désirait, tout ce que tu n'avais pas. Papa lui achetait tout ce qui lui plaisait quand il était là. L'argent pour combler un vide, toutes ses absences. Mais à vrai dire pour Nathan, rien de tout ça n'a de sens. Alors il passait ses journées avec ses petites voitures majorettes. À l'école il n'écoutait pas, mais regardait par la fenêtre, espérant seulement voir son papa ou sa maman venir le chercher. Mais c'était le travail de la nounou qu'il attendait. Quand le soir venait, il regardait encore par la fenêtre, comptait ses petites pièces dans une enveloppe avec une lettre, jusqu'à ce que sa mère lui fasse un bisou pour qu'il s'endorme. Et chantait ce refrain dans sa tête, ça commençait comme: un jour viendra, papa tu me regarderas. Pourquoi tu ne comprends pas, pourquoi tu m'écoutes pas, si je fais un tas de bêtises juste devant toi. C'est pour que tu vois que je suis là, que je suis là, que je suis là. Un jour viendra, papa tu me regarderas. Pourquoi tu ne comprends pas, pourquoi tu ne m'écoutes pas, si je fais un tas de bêtises juste devant toi. C'est pour que tu vois que je suis là, que je suis là, que je suis là. Tous les soirs, son père entrait vers la même heure, la même humeur, la même tête, fatigué de son labeur. Et ce soir-là dehors, l'attendait assis devant la porte, son enfant le regard triste avec son enveloppe dans la poche. Et lui dit: papa, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Combien gagnes-tu de l'heure? Ça te regarde pas, fiston. Mais je veux juste savoir, je t'en prie papa, dis-le-moi. Bon, je gagne 30 euros de l'heure, maintenant rentre avec moi. Une fois rentré, il demande à son père de lui prêter un peu d'argent. Mais celui-ci s'énerve: il est trop tard, va dans ta chambre. Nathan, le regard baissé, quitte alors la pièce. Attends, lui dit son père, voilà 15 euros et 10 pièces. Désolé de m'être énervé. Son fils lui saute dans les bras. Ce n'est pas grave papa, merci merci encore une fois. Nathan sort une enveloppe et recompte tout son argent. Papa, maintenant j'ai 30 euros, est-ce que je peux acheter une heure de ton temps? Un jour viendra, papa tu me regarderas. Pourquoi tu ne comprends pas, pourquoi tu m'écoutes pas, si je fais un tas de bêtises juste devant toi. C'est pour que tu vois que je suis là, que je suis là, que je suis là. Un jour viendra, papa tu me regarderas. Pourquoi tu ne comprends pas, pourquoi tu m'écoutes pas, si je fais un tas de bêtises juste devant toi. C'est pour que tu vois que je suis là, que je suis là, que je suis là. La morale de cette histoire, c'est que tu devrais ouvrir les yeux. L'argent remplace pas l'amour, y'a rien de mieux. Tes enfants ne te diront pas toujours ce qu'ils veulent ni leurs vœux. Réfléchis à ce qui est de mieux pour eux. La morale de cette histoire, c'est que tu devrais ouvrir les yeux. L'argent remplace pas l'amour, y'a rien de mieux. Tes enfants ne te diront pas toujours ce qu'ils veulent ni leurs vœux. Réfléchis à ce qui est de mieux pour eux. Un jour viendra, papa tu me regarderas. Pourquoi tu ne comprends pas, pourquoi tu m'écoutes pas, si je fais un tas de bêtises juste devant toi. C'est pour que tu vois que je suis là, que je suis là, que je suis là. Un jour viendra, papa tu me regarderas. Pourquoi tu ne comprends pas, pourquoi tu m'écoutes pas, si je fais un tas de bêtises juste devant toi. C'est pour que tu vois que je suis là, que je suis là, que je suis là. Un jour viendra, papa tu me regarderas. Ce petit refrain était écrit dans sa lettre. Il s'appelait Nathan. C'est pour tous les parents dépassés par leur tâche, que je suis là, que je suis là. Qui ne prennent pas le temps d'ouvrir les yeux et de voir que leurs gamins sont là, juste devant eux, pas toujours heureux. C'est pour que tu vois que je suis là. Celui-ci s'appelait Nathan.